À l'occasion du 52e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée, l'Association pour la promotion des relations Autriche-République populaire démocratique de Corée a présenté le 25 mai dans son homepage d'Internet l'œuvre classique du maréchal Kim Jong-un, menant à un brillant achèvement l'œuvre révolutionnaire du Tse en honorant le grand camarade Kim Jong-il comme secrétaire général éternel de notre parti.